bulle de rêve, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bulle de Rêve. Je suis ravi de vous retrouver pour notre traditionnelle émission tous les ans maintenant. Ça fait quelques années qu'on le fait, de jury critique de retour du PIAF de cette édition 2024. Une édition, vous avez entendu en introduction un morceau de la musicienne Val Power qui s'appelle Respite sur l'album Tauten. Une musicienne lyonnaise qui est la compositrice d'une réalisatrice qu'on aime beaucoup au festival qui s'appelle Virgin Keaton et qu'on a eu la chance de recevoir cette année pour une rencontre avec Val Power pour parler de leur rapport de création. Et voilà, c'est une des superbes séances de ce festival. Festival qui n'est pas terminé, puisque vous en avez encore pour tout le week-end. Actuellement, au studio des Ursulines, vous êtes à la compétition jeunesse numéro 1. Vous skippez la fin de l'émission et que vous courez vite, et que vous nous écoutez évidemment en podcast après, vous pourrez attraper à 19h la compétition étude 1. À 21h, on termine la compétition expérimentale qui a débuté hier soir avec le deuxième programme. Et dimanche, vous retrouvez la compétition de jeunesse à 16h. À 17h30, la compétition étude 2. Et enfin, on est très heureux cette année d'avoir choisi pour la clôture de faire notre séance de compétition musique, puisque ça va être un moment festif, comme d'habitude, de passer tous ces films musicaux, que ça soit clip ou... pas nécessairement, voilà, on est ravis de finir en beauté comme ça. Autour de la table, je suis très bien accompagné, puisque je suis avec Marie-Pauline Mollaret. Bonjour Marie-Pauline. Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Et nous sommes accompagnés de notre jury critique, que je te laisse présenter. Eh bien oui, parce que comme tu l'as dit, donc, dans le cadre du PIAF, le Festival d'Animation de Paris, on a un partenariat avec le Syndicat français de la critique. Et une des particularités du syndicat est de proposer dans un certain nombre de festivals en France des jurys critiques, donc avec des membres du syndicat. Et la grande particularité, c'est que les délibérations de ce jury se font toujours en public. Et nous, si vous étiez à l'écoute l'année dernière, on a eu l'idée de faire ça à la radio, dans Bulle de Rêve, puisque ça vous permet d'entendre des critiques parler de cinéma d'animation, ce qui est toujours évidemment assez intéressant. Alors avant de vous présenter mon jury, je vais juste remercier celle sans qui rien ne serait possible. C'est Marion Dubois d'Arras, qui est la responsable de l'administration générale du syndicat et qui nous permet de faire ce jury, et évidemment Philippe Rouillet qui est le président du syndicat. Et je voulais juste te dire aussi qu'on est très content. Alors là, je parle avec ma petite casquette Piaf, on est très content parce qu'on est le seul festival d'animation à avoir ce jury, et vraiment c'est extrêmement précieux. Alors autour de moi, une voix que vous connaissez, Margarita Gérard, qui est critique pour la revue Les Fiches du Cinéma, assistante de direction à la Galerie Cinéma, qui est également membre du jury court-métrage, justement pour le prix du Syndicat français de la critique, et que vous entendez régulièrement chez nos amis de l'émission Longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Bonjour Margarita. Bonjour Marie-Pauline. Et bonjour à tous. Ensuite, nous avons Vinci Thomas, qui est créateur du site Écran Noir, créé en 1996. C'est le premier média web francophone dédié au 7e art, dont il est aujourd'hui le directeur de publication. Il a également collaboré à de nombreux médias, dont RTL, France Inter et Livre Hebdo, dont il a été le rédacteur en chef adjoint jusqu'en 2023. Bonjour Vinci. Bonjour Marie-Pauline. Et enfin, la troisième de ce trio de choc, Inès Hamdi, qui est enseignante en lettres et cinéma dans un collège de Seine-Saint-Denis, qui collabore à la revue pédagogique L'École des Lettres et également au webzine Critique Film. Bonjour Inès. Bonjour Marie-Pauline. Alors, vous avez participé au PIAF cette année, vous avez vu les 4 séances de courts-métrages, vous avez vu à peu près, si je ne m'abuse, 36 courts-métrages, et j'avais envie de vous demander pour commencer, voilà, un peu votre impression, votre retour sur cette semaine un peu folle. Inès, je crois que tu avais, voilà, fait quelques petites remarques sur la manière dont ça s'est passé cette année. Alors oui, on a été extrêmement impressionnés, en fait, par vraiment les qualités formelles des films que nous avons vus. C'était vraiment des films extrêmement aboutis sur le plan de la technique et de l'image. Mes co-jurys m'arrêtent si je me trompe, mais on est rarement sortis indifférents, en fait, des 36 films qu'on a vus. Il y en a vraiment très très peu qui nous ont laissés de marbre. Ils présentaient tous, en fait, de l'intérêt sur le plan au moins visuel, mais aussi sur le plan narratif. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était des films, en fait, qui faisaient énormément confiance au pouvoir narratif de l'image. D'ailleurs, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de films sans parole et qui fonctionnaient, en fait, très très bien pour ces raisons-là. Une des dernières choses que j'ai aussi remarqué, c'était aussi l'engagement. Voilà, vraiment la portée politique de beaucoup de films et la manière finalement dont l'animation finalement servait de caisse de résonance à vraiment des thématiques comme la guerre, les dangers du retour au conservatisme, aussi l'alignation des individus, des films qui pointent les dangers du capitalisme sur l'individualisme, sur la société, et vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses à ce niveau-là. Excellente sélection. Super, on transmettra à Alexis, qui, vous l'avez entendu, n'est pas là parce qu'il est en train de présenter une séance, mais qui fait, je vous le rappelle, la sélection de cette compétition tout seul. Eh bien, si vous le voulez bien, on va commencer à parler des films, parce que je crois qu'on a pas mal de pain sur la planche. Dans les films que vous avez vus, vous avez choisi de parler d'une petite douzaine de films. Il n'était absolument pas possible, dans les 2 heures d'émission, malheureusement, de les aborder tous. On verra si on a un petit peu de temps à la fin pour faire un petit retour sur certaines choses que vous n'auriez pas mentionnées. Mais en tout cas, je vous propose de commencer avec un film qui s'appelle Herbe verte d'Elise Haugarten. Alors, je vous lis le résumé. Rouge monte dans le train. Si elle pouvait disparaître à cet instant, elle le ferait. Tout est décalé, irréel, les souvenirs se mêlent au paysage, l'espace-temps se déchire. Une petite fille court vers une maison grinçante, des herbes folles poussent dans le train. Rouge affronte son passé à contre-courant. Alors, qui veut prendre la parole sur Herbe verte? Oui, Margarita. Alors, c'est un film qui m'a touchée surtout vers la fin. Et au début, j'ai trouvé que cette métaphore du voyage en train, qui est aussi un voyage personnel, émotionnel, c'était un peu déjà vu. Alors que finalement, elle parvient à retranscrire à travers la vitesse de ce voyage, aussi la vitesse des émotions qui la traversent. Et je trouve aussi que les sons sont très bien utilisés et qu'ils décrivent bien justement ces sentiments. Et parfois, l'animation est un peu chaotique parce qu'elle mélange plein de styles différents, justement de traits qui se mélangent, de couleurs, de photographies aussi. On a l'impression que le paysage qu'elle voit à travers la fenêtre du train, c'est une photographie, alors qu'elle a retravaillé après avec des couleurs. Et il y a une scène surtout qui est celle des pleurs, que je trouve très puissante, où il n'y a pas de son sauf celui de ses larmes, de ce cri qu'elle... Et donc, voilà, c'est... Après, on a eu justement l'occasion d'entendre la réalisatrice en parler, et qui a expliqué que justement c'était un voyage personnel qu'elle avait fait, qui l'avait poussée à créer ce court-métrage. Et je trouve qu'elle a réussi à le transcrire de façon assez originelle et poétique. Inès ? Alors, je rejoins vraiment Margarita sur tout ce qu'elle a dit. Alors moi, la problématique que j'ai, c'est ça que... Voilà. Alors non, elle va être quand même très simple, parce que c'est quand même un film qui ne met pas non plus tant esté que ça sur le plan de l'émotion. Et finalement, ce qui m'a le plus intéressé, c'était en effet au niveau de ce chaos de l'image, cette hétérogénéité, où on se pose la question aussi, on a souvent en fait un décor, un arrière-plan qui donne l'impression d'être vraiment avec des prises de vue réelles, et bon, voilà, c'est cette animation qu'on a voilà, au premier plan. J'ai trouvé vraiment cette mise en scène, voilà, ce voyage intérieur, cette reconquête de soi assez intéressante, mais ça ne m'a pas non plus complètement emballée, comme si finalement je suivais cette expérience extrêmement personnelle, mais qui restait sur le plan du personnel. Et qui, moi, en tant que spectatrice, m'a laissé un peu sur le bas-côté, m'a un petit peu fermé la porte à ce niveau-là. Et je suis complètement d'accord avec Inès. Mais je suis aussi d'accord avec Margarita. C'est-à-dire qu'il y a quand même des très belles références picturales. C'est un très beau voyage, et intérieur et visuel. Malgré tout, ça fait un peu penser à... Rouge qui va au pays des merveilles, mais c'est pas si merveilleux, et finalement l'herbe ailleurs est pas plus verte, donc on reste un peu sur notre faim, et on sait pas trop si on a aimé finalement ce voyage ou pas. Voilà. J'ai décidé d'être concis, moi. Formidable. Donc c'était Herbe verte d'Elise Haugerton, et malheureusement je n'ai pas d'idée de où vous pourriez voir le film actuellement. Il n'est pas disponible en ligne, mais peut-être bientôt, on vous tiendra au courant. Autre film dont vous aviez envie de parler, un film américain cette fois, ça s'appelle Rosemary Adé, et Adé c'est pour After Dad, d'Ethan Barrett. Alors, un père dépressif imagine la vie de sa fille nouveau-née sans lui. Alors ça pourrait être complètement plombant, mais c'est un film qui joue plutôt sur l'humour et l'autodérision, tout en traitant à bras le corps le sujet extrêmement sensible. Celui-là, pour le coup, vous pouvez le voir, il est en ligne sur YouTube. Donc je vous redis, ça s'appelle Rosemary Eddie, donc AD After Dad, d'Ethan Barrett. Si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, voilà. Je ne sais pas ce que vont dire les critiques, mais moi, je vous le conseille. Ça, c'est de l'influence. Non, mais alors, celui-là, il a, pour le coup, on est tous les trois d'accord. Il nous a emporté. Alors, il y a un côté Wes Anderson dans le ton, un mélange de sarcasme, d'humour noir, d'autodérision, d'ironie. Le dessin n'est pas forcément virtuose, c'est presque du dessin d'enfant, mais en même temps ça colle bien au sujet, puisqu'il parle de sa fille, et sa fille qui vient de naître, et qu'il y met plusieurs hypothèses, comment elle va grandir dans ce monde de brut. Donc évidemment, ça va des pires hypothèses aux meilleures hypothèses. Les pires sont particulièrement drôles, évidemment, puisqu'elle finit droguée complètement à l'ouest, etc. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est un des rares films où il y a une voix off, parce qu'il y en a beaucoup des films avec des voix off dans la sélection. C'est un des rares films où la voix off est vraiment justifiée, puisqu'en fait, il écrit finalement une déclaration à sa fille qui vient de naître, et l'écriture est très très bien ciselée, très bien faite. L'animation est jamais redondante par rapport au texte. Il y a une vraie cohésion d'ensemble. Là, c'est presque naïf. Donc après, est-ce que la naïveté, ça nous aurait dérangé, comme dit Marie-Pauline, si ça avait été dans un film d'animation classique ou dans un film de prise de réelle. Mais en tout cas, Rosemary Adé, ça a été un premier coup de cœur qu'on a eu lors de cette sélection. Parce que tout est juste, en fait. C'est juste à la bonne place, avec la bonne note. Je te rejoins vraiment complètement. En plus, je pensais donc à Herbe Verte, parce qu'ici aussi, on a finalement une relation assez... assez personnel. C'est un père qui vraiment fait de ce film une sorte de déclaration à sa fille, mais je trouve que lui, en fait, il pense aussi à son public, donc il arrive à ménager un effet de surprise. Moi, je pensais au début qu'on allait avoir affaire à un espèce de film qui allait aborder une sorte de daddy blues, et puis finalement, pas du tout. Il retourne ça en une forme d'énergie solaire. Il retourne aussi le concept de multiverse, hein, qui est quand même un concept dont on soupe depuis un petit moment déjà. Et ça m'a fait penser, moi, alors... Wes Anderson, je suis absolument d'accord, mais ça m'a aussi fait penser au premier film de Zach Braff. Ces comédies mélancoliques, très dépressives, et qui en même temps arrivent à nous emporter et guérit un tout petit peu l'âme, tout en restant toujours sur quelque chose d'assez amer. C'est-à-dire, c'est aussi un film qui évite les écueils jusqu'à son dénouement, où la parentalité serait présentée comme une planche de salut, et puis finalement tout va bien. En fait, non, à la fin, tout ne va pas bien, mais il y a quand même sa fille, elle lui fait quand même un bien fou, et même s'il aura toujours du mal à se lever, à se retrouver dans ce monde moderne, assez chaotique, assez plombant, il y a quand même cette petite lumière au bout du tunnel. Donc oui, c'est vrai que au niveau de l'émotion, ça nous a quand même beaucoup emporté. Et par rapport à l'esthétique et à l'animation, on s'est aussi beaucoup posé de questions. Et, bon, en tout cas, l'émotion a quand même beaucoup primé, quoi. Peut-être un film dont on reparlera tout à l'heure, mais Margarita, tu voulais peut-être ajouter quelque chose. Ben en fait, ils ont tellement bien parlé déjà que je n'ai pas beaucoup d'ajouter. On en reparlera tout à l'heure. Alors. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. C'est juste que c'est le film qui m'a fait, où j'ai dû retenir mes larmes de la sélection. Ouais. Et c'était très inattendu parce qu'au début, je ne pensais pas du tout. Et j'avais toujours peur que ça tombe un peu dans le moralisateur, alors que pas du tout. Donc j'étais vraiment très étonnée. Et comme tu disais, tu as peut-être retenu des larmes, mais justement, c'est pas un film qui est là pour nous tirer les larmes. Mmh. C'est ça. Oui, justement, ça, en fait. Et ce qui rend l'émotion encore plus authentique. Donc c'est quand même assez brillant d'arriver à ça. C'est très bien écrit. Et Inès, si tu peux juste développer peut-être ce dont vous parliez sur l'animation et enfin les doutes que vous aviez. On a trouvé que c'était finalement assez rudimentaire, surtout au regard de tous les films qu'on a vus à la fois avant et après. Et c'est vrai que ça nous questionne beaucoup. Voilà, moi personnellement, j'ai pas énormément de compétences en matière d'analyse de techniques d'animation, donc je me suis posé quand même cette question très formelle. Et en même temps, Vinci l'a dit, et Margarita l'a dit aussi, c'est... ça justifie beaucoup stylistiquement cette espèce de trait assez simpliste, assez enfantin. Donc voilà, c'est vrai que ça m'a beaucoup quand même interrogée. Pour que les auditeurs et les auditrices se rendent compte, ils s'imaginent, c'est vraiment un film qui est dessiné à la main, sur du papier, de manière extrêmement artisanale, parce que le réalisateur, il a fait ça avec vraiment sa femme, je crois, qui a colorié. Et les voix, c'est lui, sa femme et sa fille. Enfin, c'est vraiment un film qui est fait avec pas d'argent et de manière très, très artisanale. Et effectivement, le style est un style qui se rapproche, si vous allez voir sur YouTube, c'est vraiment un style qui est très simple et qui se rapproche de dessin d'enfant, comme vous l'avez dit. On avait quand même mis un petit bémol sur le dénouement, justement, qui vient un peu casser. Voilà, on n'en dira pas plus, mais c'est vrai qu'il se termine de manière assez conventionnelle, alors qu'il a été extrêmement original tout au long. Mais au moins, il y a une fin. C'est vrai. Il y a une fin. Voilà. D'accord, on comprend qu'il y a une fin. Ça casse. C'est par rapport à l'ensemble de la sélection, il y a des fois, on s'est demandé. Voilà, donc c'était Rosemary Adjei de Ethan Barrett. On enchaîne sur un troisième film qui s'appelle Mariupol s'ennuie de Sofia Melnik. C'est un film qui vient d'Ukraine. Et peut-être qu'avant de commencer à en parler, on peut passer... Si tu veux, je peux juste te dire un mot sur la musique maintenant, parce qu'effectivement, c'est un film qui suit une petite fille qui se réveille dans une ville en guerre dans les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, donc on est à Mariupol, et le film repose beaucoup sur une chanson qui s'appelle Kolessa. Alors, pardon pour mon accent ukrainien. Enfin, ça veut dire wheels, donc les roues. C'est un morceau qui a été développé par Dak Trio et qui est basé sur un poème qui dit « The wheels hit the road and it seems to me that I'm not living ». C'est un poème de Vasil Stus, et ce qui est intéressant, c'est un poète ukrainien qui était un membre actif de la dissidence, des mouvements de dissidence des années 60 et 70, et qui a été envoyé au goulag et qui est mort là-bas, et qui est donc une figure de résistance extrêmement importante en Ukraine. On écoute donc Wheels, Dak Trio. Колеса глухо стукотять, колеса глухо стукотять, мохвилля об паром, колеса глухо стукотять, мохвилля об паром. Стрічай, стрічай, товаришу Хароне, товаришу Хароне. Із лихом, із лихом, із добром. Із лихом, із добром. Колеса глухо стукотять, колеса стукотять. Христа вождя в усіх божат, Христа вождя в усіх божат, у матів перемать. Колеса б'ють, колеса б'ють, колеса б'ють, колеса б'ють, кудись сторують путь. Уже й додому не вернуть, додому не вернуть. За вартами розбухли на сльозах Христа вождя в усіх божат і в матів перемать. Христа вождя в усіх божат і в матів перемать. Колеса глухо стукотять за ґратами, за вартами розбухли на сльозах. Споруджує нову добу, споруджує нову добу на крові і кістках. Колеса глухо стукотять на крові і кістках, на крові і кістках. Колеса глухо стукотять нову добу на крові і кістках, на крові і кістках. Ворушися на споді, на споді, на споді. Чужого, чужого, чужого існування, чужого існування. А смерть війшла. А смерть війшла. У тебе вже давно. У тебе вже давно. Сто, сто, сто, сто, сто ночей попереду. І стой, стой, стой, стой, сто ночей позаду, позаду. А межі ними, ними, ти тільки перехожий. Лялечка німа, німа. Vous êtes toujours dans Bulle de rêve sur Radio Libertaire, et donc c'est le débat critique dans le cadre du PIAF, le Festival International d'Animation de Paris. Je suis en compagnie de nos trois émérites critiques, et vous venez d'entendre donc la musique du film Mariupol sans nuit de Sofia Melnik. Alors pourquoi avez-vous eu envie de parler de ce film ? Allez, Vinci, je sens que t'es prêt là. Non, pas forcément. J'étais pas forcément le premier à pouvoir en parler. Alors, en fait, notre grande réticence sur le film, c'est justement cette sublime musique. C'est-à-dire que la musique, là, on vient de l'écouter sans les images, et on se disait, la musique suffit en elle-même, quelque part. Et quand on regarde avec le film d'animation, et je laisserai mes collègues parler plus en détail de l'animation, bien, finalement, on se demande si elle écrase pas tout. C'est-à-dire qu'on se souvient très bien des images, il y a quand même des idées absolument géniales en termes de dessin, de visuel. Et je pense à cette bête qui dévore l'Ukraine au début, qui reste dans nos rétines. Mais est-ce que finalement, ce pamphlet un peu pacifiste et clairement anti-guerre, avec une esthétique un peu singulière, cette musique rock lyrique, ben voilà, est-ce que qu'est-ce qu'il en reste au-delà de la performance visuelle et esthétique? Est-ce qu'on a bien retenu finalement le message de ce film? Alors je pense que oui, parce que ce qui nous... Enfin, ce que je me suis dit en guise d'introduction pour expliquer pourquoi en fait on avait envie d'en parler, c'est que c'est quand même un film qui arrive à construire un sentiment de sidération. Je me souviens que dans la salle, on était quand même, on sentait vraiment un silence, mais un silence qui était très éloquent sur ce que les spectateurs avaient quand même ressenti. Et c'est vrai que la musique en fait partie. Pour ma part, ça m'avait pas tant dérangé que ça, parce que j'ai eu l'impression que le film était construit de manière symphonique. Mais ça peut aussi être les limites. Ça pose la question du statut de cette musique de film qui peut fonctionner à l'extérieur. Mais bon, en même temps, moi je me dis, j'écoute plein de musique de film sans les films, et pour autant, voilà, c'est pas problématique. Donc voilà, c'est quand même un film, moi, que j'ai beaucoup apprécié, et je trouve en effet qui arrive à nous emporter dans son message extrêmement fort, extrêmement percutant, et je pense que ce qui fonctionne aussi, c'est qu'il mélange aussi les registres. On est quand même entre quelque chose de très épique, très grandiose, et en même temps ça côtoie aussi malheureusement le tragique de cette guerre encore contemporaine. Et puis je rajoute, il faut quand même le faire, parce qu'il y a quand même une forme impressionnante. Elle a réussi en dessin à nous montrer la tragédie de Mariupol. Et même si on connaît les images d'actualité, etc., on voit très bien, avec quelques traits et un jeu de couleurs très contrasté, comment cette ville a été martyrisée et détruite par les Russes. Et ça, c'est quand même très très fort. C'est là où je te rejoins sur le côté tragique et symphonique qui colle bien, on va dire. Et ce qui fait qu'on ne doute pas en fait de l'intérêt de l'animation dans la mise en scène de cet événement historique, mais aussi de ce message. Elle a vraiment toute sa place, quoi. Margarita. Oui, bah je suis celle qui a un peu plus de réserve sur ce film, que je trouve visuellement très beau. Enfin, sur ça, j'ai rien à dire. Mais justement, je trouve que la musique occupe trop de place et que elle est très emphatique, donc elle ajoute trop de... c'est un peu comme si en vouloir trop émouvoir, elle obtient l'effet inverse, en fait. Au moins, c'est ce que c'est qu'elle a obtenu sur moi. Et en plus, je trouve qu'en général, c'est un peu trop, ben justement, cette grandiosité, cette façon de montrer la guerre, mais... je la trouve finalement un peu banale, dans le sens que c'est assez explicatif à la fin. Il y a une partie du dessin animé où le réalisateur utilise des dessins d'un enfant, et cette idée que je trouve quand même intéressante est expliquée à la fin. Et aussi il y a des photos qui sont montrées pour faire comprendre d'où les dessins venaient. Et enfin, pour moi, même les génériques font partie du court-métrage. Même les titres à la fin sont partie intégrante de court-métrage, et donc à cause de ça, et j'étais pas touchée par le film. je trouve que t'as raison, il y a quand même cet aspect extrêmement explicatif qui peut être quand même aussi un peu plombant. Mais voilà, après J'étais touchée par les images, en fait. Enfin, j'étais assez... J'avais des sentiments un peu contrastés, en fait. Mais je trouve, oui, que c'est surtout la musique et cette envie toujours de vouloir émouvoir et parler de quelque chose qui est terrible. Mais malheureusement, on connaît déjà les images, donc pourquoi vouloir les expliquer, en fait, à la fin? Bon, on a compris que voilà, le film vaut le déplacement, mais avec des petites maladresses. Et là, encore une fois, malheureusement, je ne peux pas vous proposer de le voir parce que ce n'est pas un film qui est visible en ligne pour le moment. Par contre, ils ont un site internet, Mariupol s'ennuie, dans lequel il y a plein de documents. Donc, c'est assez intéressant à aller regarder si ça vous tente. Il y a un extrait du film sur le compte Instagram de Sophia Melli. Oui, bien sûr, il y a des bandes annonces, etc. Eh bien, je vous propose de passer un film alors qu'il n'y a tellement rien à voir que c'en est assez savoureux, en fait, dans la transition, puisque ça s'appelle « Le sexe de ma mère ». C'est signé par Francis Canitro. Alors, je vous livre le résumé. À 50 ans, Ellie s'occupe de sa mère, intrusive et lubrique. La vieille dame est nostalgique d'une jeunesse débridée. Le cul est une idée fixe chez elle. Alors, c'est un film qu'on ne s'attendait pas forcément à retrouver... dans la bouche de sérieux critiques. Merci de dépoussiérer l'image qu'on peut parfois avoir des critiques. Surtout que... Ils sont peut-être lubriques, les critiques aussi. En plus, moi, il y a mes parents qui écoutent, donc voilà. Super. Voilà. Bon courage. c'est quand même... Enfin, en tout cas, c'est un film qu'on a beaucoup apprécié. On s'est dit que c'était quand même un film extrêmement équilibré dans ces techniques d'animation qui on retrouve beaucoup un balancement entre 2D et 3D au niveau des registres aussi. Alors moi je me suis renseignée et j'ai vu que le titre original c'était Peeping Mom et je trouve que c'est un excellent titre parce que déjà il reprend ce motif du voyeurisme, le voyeurisme de la mère qui va déflorer l'intimité de son fils jusqu'à finalement l'inhiber dans sa sexualité. Et Peeping Mom, c'est aussi une référence, je pense, pour le Peeping Tom de Michael Powell. Et ça rejoint le fait que c'est quand même un film très étonnant qui alterne aussi les genres. Parce qu'il y a un moment, enfin, on commence de manière assez comique, on est dans une espèce de comédie et on passe à un moment on a des séquences assez dantesques, je trouve, qui flirtent avec le thriller. On se dit, mais... presque à se demander si le fils va pas s'attaquer à sa mère. Et c'est un film qui est quand même extrêmement drôle et extrêmement surprenant. Alors moi, vraiment, s'il fallait que je retienne un élément, c'est la manière dont il met en scène les corps. Alors là, j'ai trouvé ça impressionnant, en fait, les marques du temps sur les corps. On voit les vergetures, on voit les cernes creusées, on voit les bourrelets, et moi c'est quelque chose que j'ai rarement vu. À part, en fait, ça m'a fait penser, en fait, au film de Charlie Kaufman et notamment à Anomalisa, qui m'avait surprise aussi dans cette manière de montrer en fait des corps très matériels, très naturels et finalement très touchants. Je suis d'accord avec Inès dans le sens que on dirait un film avec des acteurs en chair et os, alors que c'est des poupées, mais qui ont des sentiments, qui parviennent à exprimer justement leur émotion. Et c'est très drôle, et à la fois il arrive à parler d'un thème qui est quand même problématique et grave, mais avec ironie. Mais à la fois, il y a toujours quelque chose d'un peu mêlésant et de dérangeant, mais il ne va pas jusqu'au bout. Enfin, il laisse toujours un peu... Et c'est peut-être, on en parlait justement, c'est peut-être un des défauts, le fait de ne pas aller jusqu'au bout de son idée de vouloir être dérangeant, de parler explicitement des choses, de les montrer aussi, de montrer les corps. Et la sexualité de cet homme âgé qui est encore avec sa mère. Et donc je l'avais déjà vu une première fois et il ne m'avait pas vraiment touchée, alors que cette deuxième sur le grand écran, ça m'a vraiment emportée. Et donc je trouve que c'est un très beau film, très bien réalisé. Et peut-être la seule réserve, c'est le regard que le réalisateur pose sur le personnage de la mère, justement, parce que elle est un peu jugée, je trouve. Dans le sens qu'il pouvait être un personnage assez rebelle et un peu en dehors des représentations qu'on a d'habitude des femmes âgées, de... alors que finalement c'est un peu... voilà, je trouve que dans l'histoire, ce qui m'a le moins convaincue, c'est ça. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas beaucoup de choses à rajouter, à part qu'en effet les personnages sont hyper incarnés, c'est très bien réalisé, c'est bien écrit. On aurait aimé que ça aille un peu plus loin, peut-être sur l'exploration des traumas, parce que c'est un peu facile, le comment j'ai tué ma mère ou comment j'ai tué mon père, peu importe. Ça a déjà été fait 1000 fois et tout. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien à dire techniquement. C'est un film qui coche toutes les cases en termes de fiction. On pourrait très bien y voir un long métrage par la suite, nous racontant sa vie de Desperate Houseboy. Mais après, il y a ce problème du regard. Alors moi, ce n'est pas le regard sur la mère qui me gêne tant, parce que je trouve ça assez touchant quand il nettoie notamment sa mère sous la douche, qu'elle est nue, qu'il est quand même attentionné par rapport à elle, alors que ça, c'est pour... Elle le castre, c'est quand même oedipien, c'est toxique jusque dans sa tombe d'ailleurs, sans trop spoiler. Mais en fait, ce qui m'a dérangé, c'est un peu le male gaze, justement, du film. Que soit la voisine, qui est forcément un peu sexy, dont on devine la moitié d'un sein, c'est un concept éculé en termes de vision de la femme. Que ce soit lui-même, le personnage principal, donc un homme de 50 ans, bah, classique, bedonnant, etc. Mais bizarrement, lui, on le voit jamais nu. Et c'est le truc, c'est on voit toujours la femme nue, mais jamais l'homme nu. Et même le fantasme de l'homme par rapport à sa voisine est hyper classique. Alors que juste après, il nous offre des très belles scènes. Alors on parlait de body double, mais il nous offre des très belles scènes de dialogue avec la voisine, où il y a une sorte de communion qui sont assez drôles. Enfin, il arrive quand même à mélanger des styles d'humour, etc. C'est juste sa vision de l'homme qui, est, pour moi, va pas assez loin pour qu'on comprenne finalement son trauma et sa libération, parce que c'est quand même une histoire de libération. Et en effet, à la fin, on se dit, mais est-ce que finalement, c'était juste la mère qui était la méchante de l'histoire? Alors que je pense, à mon avis, pas trop. C'est beaucoup plus complexe que ça. Maintenant, c'est un court-métrage. En 15 minutes, il arrive quand même à faire tout ça. Techniquement, il n'y a rien à dire. C'est bien joué, c'est bien raconté, c'est bien filmé. C'est peut-être pas à montrer en dessous de 12 ans, mais au-dessus, pourquoi pas. Voilà, c'était Le sexe de ma mère de Francis Canitro. Et si vous voulez en savoir plus sur le film, j'en profite pour vous conseiller un article et une interview assez intéressante sur le site de Clément Martin qui s'appelle Des communications de Geneviève et André Martin. Il a fait un long article sur le film. À ma connaissance, c'est un des seuls qui a été fait. Et notamment, il y a aussi des infos sur la manière dont le film a été fait, puisque les décors et les personnages sont réalisés en marionnettes, puis tout a été modélisé en 3D et le film est en fait animé par ordinateur. C'est assez intéressant. Et sur ce, sans transition aucune, nous allons passer à un film dont rien que le titre déjà est un cri, puisque ça s'appelle « Ah !» d'Osman Serfon. Alors « Ah !», c'est des cris de douleur, la surprise, l'effroi, la joie, des chants, des râles, des rires, la colère. « Ah !», c'est l'expression avec laquelle les enfants, ces êtres primaires et innocents, c'est pas moi qui le dis, c'est le résumé du film, font l'expérience de la vie en collectivité, bien encadrée par les coups de sifflet des adultes. Alors, est-ce que vous avez crié « Ah !» ou « Oui !» devant « Ah !» de Osman Serfon? Oui. On ne peut pas crier « Oui !» Vinci, parce que tu as la parole. Non, mais c'est... Non, je ne vais pas parler. Celle qui préfère, c'est Inès. On va d'abord laisser Inès. Et parce que bon, ben, je suis enseignante et c'est vrai que moi, mon rire s'est dédoublé parce que faut savoir que même si j'ai des collégiens, même à 14 ans, ils crient dans les couloirs, ils crient dans la cour, ils crient dans la salle de classe. Et je trouve que c'est un film qui aurait pu être écrasé par son concept et se réduire à un simple exercice de style, hein, pour le coup, hein, sur le papier, c'est la peur qu'on aurait pu avoir. Et finalement, il est plus que ça. Il y a quand même une mécanique assez surprenante parce qu'on a quand même donc ça repose quand même sur un comique de situation. Donc les élèves qui crient pour de différentes manières, pour différentes raisons, sur un toboggan, en courant, en se battant, etc. Et en fait, il y a cette espèce de mécanique qui fait qu'il y a une tension qui vient grandissante. On retrouve les mêmes scènes, mais avec vraiment quelque, enfin, tension supplémentaire. Et je trouve que c'est un film qui rend vraiment très bien compte de la manière dont, dont les enfants, en grandissant, en fait, se saisissent de leur corps et de la voix pour traduire vraiment une variété d'émotions différentes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et je trouve que ça traduit aussi la magie qui s'opère entre les enfants et les adultes, parce qu'on entend juste « ah » et on a tous compris, en fait, la multiplicité des messages et des propos qu'il y avait derrière, voilà, derrière ces cris d'enfants. Et vraiment, je trouve que ça traduit très bien, voilà, cette espèce de capacité qu'a l'image aussi, finalement, à verbaliser des choses qui ne passent pas par le verbe. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un film quand même très réussi sur énormément d'aspects. J'ai d'ailleurs pas tant de réserves que ça, mais heureusement, c'est, on va venir me calmer. C'est hilarant, c'est hilarant. Et c'est efficace, c'est barré. Le montage fait que... on s'ennuie jamais, alors qu'il y a une sorte de répétition qui est pas forcément comique d'ailleurs, parce que c'est hyper cruel. On parle quand même de douleur, de bonheur, de joie, de souffrance, d'harcèlement, de c'est toute la multiplicité des émotions et des sentiments et de ce que traversent des jeunes à l'école, dans plein de situations différentes, au sport, en classe, chez le médecin, etc. Donc en effet, on a une variété de A. C'est assez hallucinant. Faut quand même le tenir. Alors en plus, ça dure 4 minutes, mais quand même 4 minutes, ça pourrait être très long. Ça ne l'est pas, encore une fois, grâce à un montage super bien fait, un découpage qui est maîtrisé et tout. Et ces personnages, en termes de dessin, sont très expressifs, très drôles. Mais c'est, ça me fait plus penser à South Park que, qu'un album jeunesse pour enfants, quoi. Donc il y a un côté quand même assez un peu... on va gratter quand même sur cette enfance qui a l'air si angélique, qui en fait l'est pas du tout. Et bizarrement, ouais, c'est très très séduisant. Ouais. Mais encore une fois, c'est vraiment hilarant. Je pense que c'est le film qui m'a fait le plus rire. J'ai cru qu'un autre film allait me faire rire, mais on en reparlera plus tard. Mais celui-là, c'est vraiment, il a emporté le lot. Margarita, tu partages? Bah, vous en avez tellement bien parlé que j'ai presque changé d'opinion. Non, c'est en fait, ça, pour moi, c'était mon deuxième visionnage du film et que je trouve aussi extrêmement drôle. L'idée est très sympathique, les dessins sont très communicatifs. En fait, justement, j'aime bien le côté de montrer ce côté diabolique un peu des enfants et dérangeant aussi. Et par contre, tu parlais justement d'exercice de cils, et ce qui m'a un peu dérangée, c'est que je trouve qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de son idée, dans le sens que j'aurais préféré que ça reste quelque chose de presque plus minimaliste, avec les A, les cris, alors qu'il y a une partie chantée vers la fin, où finalement c'est des chants, c'est pas le A du début. Enfin, c'est un peu, je trouve qu'il a pas réussi, selon moi, à garder ce pouvoir de juste du mot de la lettre A jusqu'à la fin. Et mais sinon, je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est quand même un des courts-métrages plus drôles qu'on a vu dans cette sélection. Et mais oui, c'est que parfois je le trouve un peu forcé, en fait, cet exercice. Bon, on vous propose de vous plonger à nouveau un petit temps dans l'univers de A avec le prochain morceau qui est extrait de la bande-son du film. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces cris ? Eh bien oui, vous êtes toujours dans Bulle de rêve. On écoutait donc un petit extrait du film Ah, d'Osman Serfon, dont parlaient nos critiques. Je vous propose d'enchaîner avec un film dans lequel on ne crie pas. En tout cas, ça ne s'entend pas, puisqu'il s'agit de La Saison pourpre de Clémence Bouchereau et que c'est un film dans lequel il n'y a pas de dialogue. Alors, La Saison pourpre, vous en avez peut-être déjà entendu parler sur cette antenne, si vous êtes des fidèles des émissions où on parle d'animation ou pas, puisque c'est un film fait à l'écran d'épingle et qu'on avait eu l'occasion de l'évoquer dans l'émission « Longtemps, je me suis couchée de bonne heure », celle qui a duré toute une nuit, au mois de juillet. Alors, aux abords d'une mangrove, un groupe de fillettes vit au rythme du climat et des oies sauvages alentour. Elles s'observent vivre et grandir à des âges différents. Le temps passe, des tensions naissent et des rivalités s'installent. C'est un film que vous pouvez voir en ce moment sur Arte et qui est d'ailleurs dans la liste des courts-métrages d'animation qui sont nommés pour les Césars. Alors, qui a envie d'entamer les hostilités sur La Saison pourpre ? Ils se regardent, ils hésitent. Allez, Margarita, c'est à toi. Allez. Bah oui, c'est un film que je trouve extrêmement fascinant pour son animation, qui est très poétique et même, enfin, sachant l'outil qui a été utilisé pour le créer, c'est quand même impressionnant parce que c'est quand même très et on n'a pas de marge d'erreur, on peut pas revenir en arrière sur ce qu'on a créé avec l'écran d'épingle, et à la fois l'animation est extrêmement fluide et presque volatile parfois, et j'aime bien les plans fixes qui s'animent tout d'un coup, et donc je trouve que voilà, c'est l'atmosphère du film qui m'a emporté au début, et ensuite c'est aussi que elle représente du coup ce groupe de figures féminines qui chassent, qui vivent ensemble, et donc des activités que d'habitude sont plus liées peut-être à des figures masculines, alors que là c'est un univers de femmes, donc il y a cette sororité entre elles, mais à la fois aussi de la compétition, et surtout avec l'arrivée de la puberté, donc qui sépare un peu le monde de l'enfance de celui de l'âge adulte. Mais à la fois, je trouve que c'est le sujet du film, mais en même temps, il est pas, il n'y a pas la prétention de vouloir aborder ce sujet pour dire quelque chose d'original, de nouveau, mais juste de le montrer en tant que fait naturel. Et démontrer aussi le changement que ça provoque dans un être singulier et dans une communauté. Donc je trouve cela très intéressant, et aussi le fait que c'est à la fois des êtres un peu fantomatiques, mais aussi très charnels. Donc arriver à créer cette impression de pouvoir presque toucher les corps, les animaux, je trouve que c'est quand même impressionnant, si on connaît aussi la technique qui a été utilisée. Donc, surtout le voir sur grand écran, ça m'a encore plus touchée que la première fois que je l'avais vue. Et ça reste un de mes préférés de cette sélection. Et tu en parles très très bien, vraiment. J'aurais tellement, moi j'aurais vraiment voulu ressentir la même chose. Et on en parlait, mais en fait, c'est vraiment la première chose que j'ai pu écrire sur le film, c'est que c'est un film vraiment techniquement impressionnant. Qu'on sache ou pas comment il a été fait, enfin, il est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, cette technique, elle est vraiment très pertinente parce qu'elle confère à l'ensemble vraiment un onirisme poétique qui est vraiment indéniable et qui est d'ailleurs assez unique dans les films qui ont été sélectionnés cette année. Mais je suis vraiment restée de marbre et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Le concept est quand même très, très original. On met en scène, en fait, des dynamiques sororales. Ouais, c'est une sororité sans parole, avec une manière mais vraiment très originale de parler, je trouve, des changements du corps féminin, voilà, comment on se fabrique femme, comment on évolue comme une femme, et l'impact que ça peut avoir aussi dans un groupe. C'est un film, je ne sais pas si on l'avait si on l'a précisé, mais on ne sait pas trop à quel moment il se passe. Il y a un côté un peu primitive, préhistorique, et en même temps, il parle de quelque chose de très actuel, c'est-à-dire à partir du moment où on voit les changements corporels chez des jeunes filles, on sent qu'il peut y avoir des sentiments de rejet, des sentiments d'envie, de jalousie, et c'est quand même un film qui parle de ces questions-là sans complaisance, sans angélisme, et vraiment, j'ai l'impression de réussir à bien parler du film, alors qu'en plus, il ne m'a pas touché. Et je me demande si finalement c'est pas cette technique qui a fait écran et qui à la fois finalement qui a été pour moi en tout cas à la fois sa force et sa faiblesse, qui fait que je suis restée vraiment juste devant les personnages. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un film qui mérite d'être aimé vraiment, qui doit être vu pour vraiment ses multiples qualités à la fois formelles mais aussi narratives. Tu n'aimes pas complètement le film et tu en parles effectivement très bien. Moi, je vais faire une synthèse. J'ai trouvé ça en effet impressionnant. J'ai trouvé ça fascinant. J'ai été très, très séduit par l'ensemble, aussi bien ce qu'il racontait que la forme pour la raconter. Je suis assez d'accord avec Inès, c'est qu'il a sa limite, c'est que la technique écrase peut-être un petit peu sur la longueur. C'est cette très belle histoire à la fois d'innocence, d'enfant sauvage. Il y a plein de références, hein, on peut y aller très, très profondément. Mais je retiens surtout la poésie qui s'en dégage et qui m'a touché. Et ces petits êtres presque asexuels, alors qu'ils le sont pas, mais qui me laissent le même sentiment que ces petites créatures de Miyazaki qu'on a dans la jungle comme ça et qui restent dans nos mémoires, parce que c'est quand même dans tous les films qu'on a vus, c'est parmi les rares personnages moi qui me sont restés en mémoire au bout de 36 films quand même, alors que c'est fait avec trois fois rien, ils se ressemblent tous, etc. Donc il y a quand même quelque chose que je trouve presque proche de la hantise, du spectral, et donc en cela ça m'a vraiment séduit. Après, en effet, je suis d'accord avec Inès, mais comme pour beaucoup de films, on aurait aimé que la technique ou le style n'écrase pas. Mais des fois, c'est la voix off, des fois, c'est le style, des fois, voilà, c'est n'écrase pas l'ensemble, quoi. Ou face écran, comme tu dis. Eh bien, je pense qu'on va marquer une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes cette fois-ci, Antoine ? Tout à fait. Eh bien, pour accompagner le prochain film, on va écouter un extrait de la bande-son de Orage de Benoît Michelet. C'est une bande-son composée par Vincent Courtois, à qui on doit aussi la bande-son notamment d'Ernest et Célestine. On écoute donc un extrait de Orage. Thank you. Oui, donc c'était un extrait de la bande-son de Orage de Benoît Michelet. Alors Orage, c'est le quotidien de Céline qui est comme un long silence pesant. Son père est un peu bonhomme mais plutôt maladroit. Sa mère, elle est excessivement sévère. Heureusement, il y a son petit frère Paul qui, lui, est là, prêt à vivre avec elle les derniers instants d'une époque bientôt révolue. Alors vous en parliez rapidement en antenne, j'ai l'impression que ça se partage un peu sur Orage. Alors qui commence ? Je peux commencer. Allez, moi, c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Ça vient de me revenir, mais en fait, je pense que l'une des forces du film, c'est la manière dont cette adolescente, je trouve, est extrêmement bien écrite. C'est difficile d'écrire un personnage adolescent. C'est difficile d'ailleurs d'écrire même un enfant, mais c'est quand même une adolescente qui est assez juste, dont on comprend finalement l'orage intérieur, qui est aussi finalement un orage familial, parce que on découvre en fait qu'il y a quand même une tension très très très violente hein, finalement entre elle et ses parents. Et tu as très bien dit, Marie-Pauline, en lisant le synopsis, mais c'est finalement sa petite respiration, c'est son frère, c'est les moments où elle sort de chez elle, finalement, où elle fugue. Et je trouve qu'il y a une dialectique très, très intéressante entre, finalement, bah, ce silence, ce sont les non-dits, et les cris qui remplissent à un moment le film, et que je trouve vraiment, mais moi je sais que j'étais assez sidérée, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup remuée. Et ça vient aussi du fait que les personnages sont extrêmement bien doublés hein, et vraiment c'est assez impressionnant, et je pense qu'ils réussissent à incarner ces personnages qui sont pas évidents à jouer hein, cette espèce de mère bourgeoise ultra sévère et ce père oui complètement penaud, mais qui en même temps peut se révéler extrêmement inquiétant. Je trouve que le film il va quand même dans il se révèle quand même assez surprenant à bien des égards, et vraiment je trouve qu'il construit très très bien le programme de son titre, vraiment cette espèce de séquence je pense qui laisse pas indifférent de dispute finale et qui vraiment moi m'a extrêmement sidérée. Et au niveau pour le coup de l'esthétique, moi j'ai été aussi très séduite par cette espèce de crayonné qui est associé aussi à cette impression que on est presque en train de dessiner, de crayonner sous nos yeux, une espèce de petit bruissement qu'on entend et qu'on a l'impression de voir aussi à l'image. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a finalement assez emballée, mais je sais que c'est pas unanime. Alors Margherita, c'est toi qui est réticente. Alors je suis d'accord sur le fait que les dessins sont très bien réalisés. J'ai beaucoup aimé aussi le côté de bruit, on a presque l'impression qu'ils sont dessinés sous nos yeux. Et aussi le côté, cette maison énorme et avec la protagoniste qui a l'air d'être toute petite, comme si elle était perdue dans celui qui devait être un lieu de protection, alors que finalement c'est le contraire, elle cherche à fuir de cette maison, et donc l'orage c'est à la fois un peu une libération. Et même si c'est une punition pour elle, le fait d'être envoyée dans cette école loin de ses parents, mais à la fois, non. Et donc, je trouve que l'histoire qui est, je ne sais pas si c'est autobiographique, parce que la protagoniste dessine, c'est un peu la seule façon qu'elle a de s'évader de ses parents, de ses contraintes. Et j'ai beaucoup aimé la fin avec cette planche fixe où elle envoie les dessins à son petit frère qui est resté à la maison. Et donc on voit juste les dessins qu'elle était en train de réaliser quand ils étaient tous les deux près du lac, il me semble. J'ai un peu de mal peut-être avec le rythme de l'animation. Je trouve que parfois c'est un peu trop saccadé. Enfin, il y a des arrêts de l'animation qui m'ont un peu gênée parfois. Et aussi l'histoire en soi, je trouve qu'elle n'ajoute pas grand-chose. Dans le sens, c'est quelque chose de déjà vu. Et dans la façon de la traiter, je trouve qu'il n'arrive pas à trouver une touche d'originalité, en fait, dans sa façon de raconter l'histoire de cette adolescente, en fait. Mais voilà, donc mais en général, c'est plutôt positif. Vous deux, donc on va passer à autre chose. Non, mais c'est vrai, c'est en fait ce que je ne comprends pas en fait dans le film. J'ai beaucoup aimé l'écriture, c'est très bien raconté, c'est hyper bien joué, prix d'interprétation si on veut. C'est pour moi, j'ai pas été gêné par l'animation. Le seul truc, c'est que j'ai déjà vu 40 000 fois cette histoire. Cette adolescente, on en a vu des milliers. Le dessin aurait pu être une sorte d'arme contre sa mère, qui à mon avis veut la placer à Stanislas et pas autre part. Donc voilà. Et quoi d'autre, quoi ? Voilà, c'est un monde bourgeois. On ne sait pas s'il y a une critique ou pas de ce monde. On ne sait pas pourquoi cette grande demeure, quelque part, perdue au milieu de nulle part. Enfin, il n'y a rien de... Autant la psychologie des personnages est plutôt bien étudiée, que ce soit les parents, les deux enfants, etc. Autant, finalement, le cadre, l'ensemble, etc. Bon, bah, nous raconte rien. Donc, en fait, on se dit, c'est un peu comme, on peut en reparler plus tard, mais c'est un peu comme Été 96, qui était dans le premier programme, où bah, c'est l'histoire d'une journée. Alors là, c'est une fin d'été avec une famille, et puis il y a un enfant qui est un peu différent et qu'on envoie valser ailleurs, quoi, en gros. Donc, on l'a vu 40 000 fois, donc ça m'a pas plus transcendé que ça, même si je reconnais toutes les qualités que Inès a soulignées. Voilà, donc on parlait de Orage de Benoît Michelet, sur lequel je ne peux pas vous dire de vous faire votre propre avis, puisque encore une fois, ce n'est pas disponible, on le déplore très fort. Par contre, un film que vous allez pouvoir regarder dès que l'émission est terminée pour vous faire votre propre idée, si vous ne l'avez pas déjà vu, puisque c'est quand même un des très gros films de l'année qui a circulé partout. Je veux bien sûr parler de 27, de Flora Anna Bouda, donc qui est sur le site d'Arte, puisque Flora, elle est à la fois en lice pour les Césars et pour les Oscars, donc elle est sur les deux. Donc le résumé, à 27 ans, Alice vit encore chez ses parents et n'a ni vie privée ni relation amoureuse. Après être tombée dans le coma suite à un accident de vélo au retour de sa soirée d'anniversaire, elle réalise qu'il est temps pour elle de quitter le nid. Alors, est-ce que nos critiques vont ajouter au concert de louanges sur 27 ou est-ce qu'on va avoir un petit peu de nuance ? On va avoir de la nuance là, je pense. Ah oui, beaucoup de nuance. Ça va te faire plaisir. Non, bah, c'est... Bon, déjà, on félicite le film. Hein. Cours d'animation qui a une palme d'or, bravo. Ça sacralise l'animation, on est très contents et tout. Après, on n'a rien à dire techniquement, artistiquement. C'est beau, c'est magnifique. C'est juste que, bon, voilà, c'est une jeune fille qui... on suppose à 27 ans, donc un âge crucial dans la jeunesse artistique. Drague, drogue, danse, alcool, cul, défonce, un petit accident de vélo au passage. Bon, bah voilà, quoi. On a l'histoire d'une jeunesse, et Coppola aurait presque pu faire la même chose. Sofia, hein, je parle. prisonnière de son destin et de sa vie de... Et sinon, bah oui, c'est bien réalisé, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Les corps sont jolis, ça bouge bien, c'est très coloré, c'est voilà, on lui souhaite toutes ses chances aux Césars et aux Oscars. Mais c'est vrai que moi j'attendais beaucoup de ce film et vraiment c'est, enfin, ce que tu le disais très bien Vinci, mais c'est quand même un film qui s'inscrit dans cette vague d'œuvres qui mettent en scène la nouvelle génération, la nouvelle jeunesse perdue au milieu des injonctions du monde moderne. Et en fait, je trouvais qu'on pouvait pas mal le jumeler finalement avec Le sexe de ma mère, parce qu'on retrouve quand même le motif du fantasme au cœur des enjeux narratifs. Mais pour moi, il est extrêmement didactique et ça vient... Enfin, moi, ça a écrasé toute possibilité de construire, en fait, des émotions spontanées, comme on a pu avoir avec, pour le coup, le sexe de ma mère. On parlait, le titre, qui est très programmatique et très symbolique, 27. Moi, c'est... Enfin, l'héroïne, moi, que je trouve assez caricaturale, parce que c'est vraiment l'héroïne taciturne qui fait des doigts d'honneur à son frère, voilà, qui est fauché, qui se drogue. Et moi, ça m'a fait penser au moment où on a eu l'explosion de Lena Dunham et de la série Girls et tous les dérivés qu'on a eu après. Et j'avoue que j'attendais un peu mieux qu'une copie, enfin une énième variation qui pour moi manque de caractère propre. Et c'est dommage parce que Vinci le dit très bien, c'est un film quand même qui est assez impressionnant sur le plan technique, mais qui pour le coup moi non plus m'a pas touché tant que ça. Pourtant ça aurait pu, hein, je suis un peu plus âgée mais je suis pas si loin que ça, mais je suis pas du tout entrée dans le truc. Mais c'est parce que j'aime pas faire du vélo déjà. Ah. On le déconseille avec des drogues en plus. Ça démontre le fait que justement il y a beaucoup de risques. Non, je suis d'accord avec vous dans le sens que, enfin, d'un côté, je comprends la Palme d'Or parce que c'est un film qui est très à la mode, je trouve, en ces moments. Les dessins, l'animation, c'est un style qu'on voit souvent sur Instagram. Enfin, on suit un peu les illustrateurs qui sont plus en vogue en ces moments. C'est un style qui est très apprécié, qui est fait de formes, de couleurs, formes voluptueuses. Il y a un peu le discours de représenter un corps de femme qui n'est pas mince, qui ne correspond pas aux critères de beauté traditionnels, mais et à la fois, ce n'est pas ça le sujet, c'est plus les désillusions d'une génération qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie. Mais tous ces thèmes-là, c'est un peu comme s'ils sont résumés dans une sorte de teaser avec la bonne musique, avec les bonnes images, le rythme et tout, mais qui finalement ne communiquent pas beaucoup. Au moins, si deux personnes qui ont plus ou moins cet âge-là n'ont pas été touchées, ça veut dire que, selon moi, il manque quelque chose d'authentique. On a quand même un plan où on voit écrit loyer, tous les mots toutes nos contraintes matérielles et existentielles. Mmh. Sauf qu'on l'avait très bien compris sans, voilà. Et c'est vrai que moi ça a vraiment parachevé de me sortir complètement du film, quoi. C'est très plastique, c'est très lisse. Ouais, justement, et aussi le fait de vouloir montrer les scènes de sexe, mais à la fois, ok, c'est justifié, mais c'est un peu toujours le côté... autant dans Le sexe de ma mère, je le trouve pas forcé ou dérangeant, autant là, je me dis, mais c'est pas si nécessaire, finalement. Ça ajoute rien à l'histoire, et il s'ajoute même pas de personnalité à ce personnage, que justement, ça reste un peu une figure féminine... abstraite, mais qui n'a pas de caractère, je trouve. Mais on vous encourage à aller découvrir le film si ce n'est pas encore fait sur le site d'Arte. Et pour vous donner envie, on vous propose d'écouter un petit extrait de sa musique, du morceau. C'est le morceau Committee de Marie et Rosie Mako. Oui, vous écoutez toujours Bulle de Rêve. On parle évidemment animation et on parle des courts-métrages qui étaient en compétition au PIAF, le Festival d'animation de Paris, en compagnie de nos trois critiques qui vont, je vous rappelle, à la fin de cette émission, c'est-à-dire dans moins d'une heure, décerner le prix de la critique de cette année. Alors, après 27 dont nous venons de parler, je vous propose de passer un film qui a peut-être quelques points communs avec 27, puisqu'il s'agit de Our Uniform de Yegan Mogadam, dans lequel une jeune iranienne déploie ses souvenirs d'école sur les plis et tissus de son ancien uniforme et explore ce que cela signifie d'être femme à travers les souvenirs de ses années d'écolière. Alors, Our Uniform. Ah, ben, c'est... Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai été très rapidement séduit par ce mélange d'animation et de vêtements, donc de textile et de texture, en fait. C'est évidemment un plaidoyer sur la liberté, notamment d'une iranienne, dans les conditions qu'on connaît actuellement. Et d'ailleurs, le fait qu'on lui impose le voile et qu'elle parle si souvent des cheveux n'est pas sans rapport avec ce qui se passe depuis plus d'un an et demi là-bas. J'ai trouvé ça audacieux, notamment parce qu'elle l'a fait en Iran et qu'elle a limité la case, je pense, par rapport à la censure, mais elle a vraiment joué avec. Il faut voir quand même son Khomeini, son Ayatollah Khomeini maquillé comme un Warhol. C'est donc assez subversif, c'est parfois absurde, mais c'est la loi même iranienne qui fait que ça rend certaines décisions absurdes. Et j'ai trouvé l'ensemble d'une fluidité parfaite où il y a rien de trop, c'est-à-dire que son discours paraît assez simple comme ça, mais en fait, elle dit tout ce qu'il faut avec la petite touche d'humour qui est nécessaire pour dédramatiser et surtout, en effet, ne pas fâcher les hommes dans son pays. Et en même temps, elle montre bien que ce pouvoir n'a aucun sens et n'a aucune légitimité par rapport aux femmes. C'est vraiment très bien vu. Quelque part, on a eu Marjane Satrapi avec Persepolis, ce que on en avait discuté, mais Marjane, elle l'a fait en France, avec des moyens français, des gros moyens, et puis après une BD, etc., qui avait eu un roman graphique qui avait un énorme succès. Là, il faut s'imaginer une iranienne qui est d'ailleurs une illustratrice très douée, qui est en Iran et qui peut se faire emprisonner simplement pour avoir justement maquillé Khomeini dans son film. Et on retrouve vraiment, ouais, en effet, cette espèce d'humour vraiment impertinent. Je trouve vraiment cet esprit d'ingéniosité qui est vraiment propre aux réalisatrices et aux réalisateurs qui ont le courage, en fait, de faire leurs films en Iran. Et ce film-là, il échappe vraiment pas à ces traits qu'on a quand même... Un film, encore une fois, très franc malgré tout sur le plan politique, même si il passe par des chemins de traverse. Et sur le plan visuel, il est assez fascinant. On a vraiment écrit une espèce d'image tissu qui fait écho à ce dont elle parle. Hein, donc l'uniforme, le voile, mais pas que. Hein, j'ai l'impression qu'elle parle finalement aussi de vraiment de la symbolique et du statut social que ça aussi, hein, un vêtement, hein, que ce soit une robe, que ce soit une juve, que ce soit un jean. Et elle a cette manière, je trouve, assez belle de parler de l'uniforme, mais aussi des étrangers qui portent aussi des uniformes à leur manière. Et je trouve que c'est un film qui pousse aussi beaucoup au décentrement. On regarde quand même beaucoup de films avec un point de vue occidental. Et d'ailleurs, ce que je trouve très très bien aussi dans la sélection, c'est qu'on a des films qui viennent quand même de pays très très différents, qui s'inscrivent dans des cultures très différentes. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des films... de revenir sur des films dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais c'est quand même extrêmement dépaysant et je trouve que ça force aussi à l'humilité, à la modestie. Alors moi, malheureusement, après, malgré toute cette fraîcheur et cette malice, voilà, ouais, j'ai pas été, je pense, aussi prise que toi, Vinci, par le film, même si je reconnais vraiment énormément ses indéniables qualités. Oui, bah, je suis d'accord avec vous. Déjà, je trouve génial l'idée de raconter son histoire à travers la matière en fait qui la compose, donc dans les plis de son ancien uniforme. et aussi de ne pas vouloir forcément parler du sujet du voile, dans le sens qu'elle montre aussi, et comme tu disais, les uniformes qui sont portés dans les autres pays. Elle parle du fait de voyager et de voir comment les autres sont habillés, les couleurs de la peau, les cheveux, les différences qui font que nous sommes tous uniques, et à la fois donc d'en parler en tant qu'uniforme de son école, et donc de raconter son expérience personnelle, mais de faire de cette expérience une façon de parler d'une situation plus large de la condition des femmes en Iran, et sans jamais vouloir, en fait avec une ironie aussi, et juste en montrant les faits tels qu'ils sont, et donc de révéler l'absurdité de cette condition, de cette situation, mais en montrant les tissus, la matière qui cache et qui différencie aussi l'homme de la femme. Et alors que justement elle parle aussi du fait que les écoles sont divisées entre hommes et femmes, mais c'est un peu comme si elle nous racontait une histoire comme on la raconte aux enfants. En fait, ça se passe comme ça, c'est la normalité, ça a toujours été comme ça, et donc ça peut pas forcément changer, mais et sans le juger jamais. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau film et qui mérite le prix qu'il a eu. Je ne sais plus si c'était Annecy. Ah, Annecy, oui, je crois qu'il a eu le prix du premier film. Qui a été réalisé avec très peu. Je pense qu'elle a réalisé toute seule ou avec l'aide de quelqu'un de sa famille. Et donc je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et après, oui, j'étais peut-être plus emportée que toi par le thème, aussi peut-être pour des questions personnelles, mais voilà, donc... Et on va terminer avec un film dont on a déjà parlé dans Bulle de rêve. C'était cet été, on a reçu sa réalisatrice, Rachel Goodgart. D'ailleurs, elle était en compagnie de Flora Anna Boudin, dont on parlait il n'y a pas très longtemps. Elles avaient dialogué toutes les deux pour parler de leur film. Et donc ce film, c'est Via Dolorosa. Entre toxicomanie, première découverte de la sexualité et état de guerre permanent, la cinéaste cherche sa jeunesse perdue en errant dans les rues de Jérusalem. Alors c'est un film, on est patient, on attend, il va bientôt être diffusé sur France 2. Aux dernières nouvelles, on n'avait toujours pas de date, mais il va être diffusé sur France 2. Et pour ceux qui auront la chance d'être à Clermont, il est également sélectionné au festival de Clermont-Ferrand. Alors, Via Dolorosa. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour commencer à en parler. Tu as la parole, tu la gardes. Vas-y, c'est pareil. Bah, en tout cas, sur le plan stylistique, c'est un film qui est quand même vraiment fascinant et assez beau. Et je trouve qu'il rend très bien aussi compte cette espèce d'hétérogénéité, parce que donc Via Dolorosa, c'est ça, si j'ai bien compris, hein, c'est une rue qui est très très particulière à Jérusalem, et qui permet en fait de filer cette espèce de parallèle entre la symbolique de cette rue, son histoire et l'histoire de ce personnage, hein, c'est vraiment qui vit son chemin de croix. Et le souci, c'est qu'en fait, il m'en est pas resté grand-chose. Mais je me dis peut-être que j'étais fatiguée. C'est un des derniers films aussi qu'on a vu. Mais bon, après, je me suis quand même revenue dessus ce matin. Et encore une fois, j'ai l'impression d'avoir eu affaire à un film dont le style, la forme a un peu écrasé, j'ai l'impression, le message qu'il voulait faire passer, qui est assez quand même authentique. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais j'ai pas réussi non plus à être emportée, et j'ai l'impression d'être un peu enquiquinante, alors que normalement, je ne le suis pas. Ça ne se commande pas. Marguerite. Moi, j'avais vu une première fois le film et j'avais beaucoup aimé. Et justement, je trouvais que j'aimais beaucoup son style d'animation, la musique, c'était quelque chose qui était transporté un peu dans cet univers. Et le fait qu'elle parlait à la fois de son histoire personnelle, mais aussi d'une ville, on entend les voix qu'elle a enregistrées, donc un peu comme si c'était un documentaire. Et donc à la fois de parler de son histoire personnelle et aussi d'un pays, justement de tout les problèmes qu'il y a et sa condition de femme, donc la façon dont elle-même aussi elle s'est auto-sabotée à l'époque en fait, et la façon dont les femmes sont traitées. Mais je trouve que en fait c'est un peu, en le revoyant une deuxième fois sur le grand écran, j'ai eu l'impression que c'était pas vraiment abouti, comme si c'était le début d'un film et j'aurais envie d'en savoir plus, de suivre du coup son voyage, son parcours, son retour à Jérusalem, alors que là je pense que ça s'arrête un peu trop brusquement et donc je suis restée un peu comme ça, pas trop convaincue à la fin, mais ça reste quand même un film remarquable. J'ai un peu ressenti comme, enfin, du coup, t'as mis un peu les mots peut-être à ce que je ressentais. En effet, peut-être le début d'un film, et peut-être que je suis restée en effet sur ce sentiment d'inachevé. Et j'ai ressenti ça avec un autre film, Boxcutters. Vraiment, j'ai l'impression, en effet, que j'ai ressenti un peu la même émotion. Et c'est peut-être pour ça que je l'ai pas gardé tant en tête que ça, parce que je pense qu'il s'est un peu mélangé avec Boxcutters, parce que finalement, j'ai ressenti le même sentiment de frustration d'avoir un bon début de film, mais dont j'aurais, voilà, qui attendait, je trouvais, à être un peu plus filé. Mais contrairement à Boxcutters, là, pour le coup, formellement, Via Dolorosa est beaucoup plus brillant. Enfin, en tout cas, à mon avis, il est beaucoup plus inspiré, beaucoup plus audacieux, etc. Mais là, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le cours, il devrait suffire à lui-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, pour une fois, il y a une fin. Il y avait beaucoup de films où soit la fin s'étirait, soit on était un peu frustré derrière. Et on a envie de primer finalement un court-métrage où il suffit à lui-même quelque part. On n'a pas envie forcément d'avoir une extension, une suite ou quoi que ce soit. C'est juste, c'est une jolie histoire qui tient en 5, 10, 15 minutes. Et enfin, une jolie histoire ou un très bon film, ou etc. Et Via Dolorosa, ça m'a un peu frustré aussi. Moi, ça m'a vraiment frustré parce que j'étais bien pris dans le style esthétique, dans cette musique un peu rock, dans cette histoire là encore très crue. C'est quand même un point commun entre beaucoup de films qu'on a vu dans la compétition, où il n'y a pas de pudeur particulière et on y va jusque, on va à l'os, quoi. Et c'est vrai que ces jeunes cinéastes, plus ou moins jeunes, mais montrent quand même qu'il y a un chemin vers une animation où on arrête de se voiler la face, quoi. Et c'est vrai que Via Dolorosa, j'aurais aimé qu'on aille plus loin. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur Via Dolorosa et Rachel Goodgartz, je vous signale qu'elle est dans le prochain numéro de Bref, en échange, en fait, elle échange par mail avec Flora Anna Bouda, et je peux vous dire que c'est absolument passionnant parce qu'elles parlent toutes les deux de leur travail, de leur vision, et évidemment on ne peut pas se cacher et ignorer l'éléphant dans la pièce. Rachel Goodgartz est d'origine israélienne et leur échange a commencé au moment où la guerre commence là-bas. Elles en parlent toutes les deux et c'est absolument passionnant. Le prochain numéro de Bref qui sort à la fin du mois de janvier, vraiment je vous le recommande. Et on va en profiter pour écouter un petit morceau. Tout à fait, un morceau qui s'appelle O.T.O.R. d'Aviv Stern, qui est le compositeur de Via Dolorosa. Donc c'est pas un morceau de la bande-son du film, mais c'est le compositeur du film. Bon, on se décide. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Libertaire, toujours dans Bulle de Rêve, où on continue de parler animation et de débriefer le programme compétition court-métrage du PIAF. Marie-Pauline, je laisse la parole. Eh bien oui, je propose, avant de vraiment passer au moment de la délibération pure et dure, parce qu'il va falloir décider et trouver le prix, on va faire durer un peu le suspense, et j'avais envie de vous demander si, au-delà des films dont on a parlé jusqu'à présent, vous aviez eu peut-être des coups de cœur ou des choses que vous aviez envie de mettre en avant. Inès, je vois que tu fais oui de la tête. De quoi as-tu envie de parler ? Je fais oui. Alors, moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Shekel, Densely Anderson. Donc, c'est un film anglais. Et je vais résumer très grossièrement. En fait, c'est un film qui met en scène des peluches Furby qui se disputent des pommes de pain magiques. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Avec Vinci, on a trouvé plein de surnoms. Moi, je les appelle Max et les Maximons. Voilà, au film, etc. Et en fait, plus sérieusement, en fait, c'est un film qui met énormément resté en tête au niveau visuel. Vraiment, pour le coup, il m'a aussi beaucoup troublée. C'est un film qui est ancré dans le décor naturel, donc une espèce de nature forestière avec une espèce de dialectique, avec donc cet arrière-plan en prise de vue réelle. Et en fait, cette animation en stop-motion qui est assez impressionnante. Je trouve qu'il y a un très beau message dessus. En fait, c'est un film qui aborde la question de la création, de ses conditions, de tous les facteurs qui peuvent s'exercer contre elle, mais aussi, heureusement, en sa faveur. Et je me suis demandé aussi pourquoi ce film m'avait autant plu, parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'était pas trop le cas, finalement, de mes comparses. Ben, en fait, c'est un film qui est écrit comme une cosmogonie. C'est un film, en fait, qui trouve ses origines, c'est vraiment qui pose un univers qui trouve ses origines dans la création. Et ça m'a fait penser en fait à une sorte de Silmarillion, donc la cosmogonie qui a été écrite mais qui n'a pas été finie par Tolkien. Mais on a inversé chez Tolkien, en fait, on commence par l'harmonie entre les êtres, et c'est à partir du moment où il y a une dissonance que les ténèbres surgissent. Et ben là, c'est le contraire. C'est comment on arrive à trouver l'harmonie, la lumière en se conciliant, en se réconciliant. Et j'ai trouvé que c'était un très beau film, même quoique peut-être un peu long, mais qui mérite, je trouve, pour le coup d'œil, rien que pour son visuel. Oui, effectivement, Shackal de Hayley Anderson, qui a une direction artistique assez impressionnante. Margarita, est-ce que toi aussi tu avais un petit coup de cœur à nous partager ? Oui, alors le mien c'est Come Zeinas, je suis désolée pour la prononciation. Come Zeinas. C'est un film portugais de Mafalda Salgueiro. Et en fait c'est un documentaire, dans le sens que le film est dessiné comme si la réalisatrice filmait sa mère en train de cuisiner un dîner avec plusieurs recettes de plats typiques portugais. Et donc, j'ai trouvé que c'était assez simple et aussi que ça donnait envie déjà de manger, parce que elle est parvenue avec très peu, avec un style de dessin très épuré, assez. Elle m'a rappelé un peu Sébastien Ludenbach pour certaines façons, parce qu'en fait il y a un dessin noir et blanc avec des parties, des taches de couleur, et donc voilà, je trouvais que c'était très réussi, et en plus c'est les seuls je pense qu'on a vu qui étaient qui démontrent le fait que le dessin animé peut être si bien utilisé aussi pour raconter et pour être un documentaire, en fait. Et donc très bonne recette de cuisine, on a tous envie de la faire. Voilà. Non, moi j'ai pas de coup de cœur, parce que mes coups de cœur ils sont dans les finalistes, donc voilà. Eh bien, voilà, comme ça. Transition toute trouvée. Exactement, puisque maintenant vous allez peut-être nous dire un peu les films. Bon, vous avez parlé d'une douzaine de films, mais alors les films qui seront des sérieux prétendants pour le prix. Sur quoi plus précisément vous auriez envie de vous resserrer ? Bah, en fait, il y en a quatre sur lesquels on hésite, qui est donc Le sexe de ma mère, Notre uniforme et Rosemary Adjei. Alors, Le sexe de ma mère de Francis Canitro, d'Osman Serfon, Notre uniforme de Yegan Mogadam et Rosemary Adjei d'Ethan Barrett. Alors, qui se lance et qui propose un nom parmi ces quatre en pensant que c'est le prix idéal? Voir si les voix s'accordent. Moi, j'avoue que je me serais bien battue pour Ara. Bah, parce que je trouve que c'est un film extrêmement solaire, vraiment. Et c'est pas si courant de donner des prix à des comédies. C'est un film quand même qui s'inscrit dans ce genre. Et qui pour le coup, je trouve, retranscrit très bien ce qu'on attend souvent quand même d'une expérience de cinéma, c'est-à-dire construire quand même une espèce de synergie qui là est passée par le rire collectif. Et c'est vrai que c'est un film vraiment qui m'a beaucoup touchée et en plus qui est beaucoup plus complexe que son concept ne laisse paraître. Après, je sais que voilà, il y a de la résistance, mais voilà, je voulais quand même en reparler. C'est Margarita, c'est ma la résistance. Oui, moi je n'ai pas coché autant que Inès. Et je trouve aussi que c'est très drôle, c'est très bien réalisé, et aussi qu'il va au-delà de son idée, mais voilà, en fait, je trouve que parfois c'est un peu trop forcé, cette idée de garder le A tout le temps n'est pas. En fait, t'es pas contente parce qu'il a triché, quoi. T'es une vraie maîtresse, t'es une prof. T'es plus prof que moi. Tu sais, parce qu'à un moment donné, elle croit entendre oh, quoi. C'est... Oui, mais si le film est basé sur ça. Bon. Oui, non, mais on a bien vu ton intégrité. Ton intégrité. Je lui donnerai pas un prix. Même est-ce que si tu as autre chose à proposer? Tu as une contre-proposition? Elle va nous proposer notre uniforme. Voilà, c'est exactement. T'es sûr? Oui, bah, parmi le film qu'on a du coup gardé pour la fin, mon préféré c'est notre uniforme. Mais je sais que vous êtes pas autant convaincu que moi. C'est Inès. Mais c'est là, c'est notre fois-ci, uniforme. C'est moi. C'est le match, il est entre vous deux là. Non, là c'est vraiment moi. C'est pour le TVNG de le soir. J'ai essayé, vraiment, on en a essayé, tous les coups sont permis, hein, donc voilà. Non, mais en plus, c'est un film que j'aurais vraiment voulu aimer, mais oui, enfin, ce que je disais, c'est... Oui, peut-être ouais, la technique a peut-être un peu plus encore pris le dessus sur moi, l'émotion que j'aurais pu ressentir. Et oui, c'est vrai que je vois pas... enfin. Moi, j'ai besoin d'un peu d'émotion quand même quand je donne un prix ou quand je mets un film vraiment en haut de mes palmarès. Et c'est vrai que je préfère sacrifier un peu la technique et la stylistique au profit d'un peu plus d'émotion. Et c'est vrai que j'arriverai pas. Enfin, je vais à lui donner le prix, même s'il a beaucoup de mérite, ça a une énorme qualité. C'est un film qu'il faut voir, c'est un film qui est important. Je pense qu'on peut dresser une liste comme ça. Mais j'ai pas réussi à avoir cette espèce de... Enfin, j'ai pas été complètement conquise, quoi. Super. Qu'est-ce qui nous reste? Ben, il nous reste Rosemary et Eddie. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de... Si on parle d'émotion, on est d'accord que là, il y en a. Si on parle de d'écriture, il y en a. Après... Moi, je suis pour, dans le sens que je trouve qu'il est un peu dans la même dimension de notre uniforme, dans le sens que c'est un film réalisé avec très peu, mais qui à la fois arrive à dire beaucoup et à créer de l'émotion, ce qui manquait dans notre uniforme. Et il y a de la comédie aussi. Oui. C'est un thème assez compliqué, je pense. C'est pas facile de parler de thème de suicide avec... un dessin animé, aussi en parler de la parentalité, en fait. Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais le père est dépressif quand même. Enfin, on commence le film avec, en gros, je vais me tuer, quoi. Voilà. Et t'as tout à fait raison, c'est quand même un sujet que je trouve qui n'est pas difficile, qui est pas facile à aborder, c'est-à-dire dire, je suis parent, j'aime mon enfant, mais j'ai quand même envie de crever, quoi. Et c'est fort, et c'est assez unique en son genre. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question des critères, et on s'est dit, peut-être qu'en voulant être juste, en s'interrogeant sur la place à accorder à la technique, au visuel, est-ce qu'on n'a finalement pas été injuste? Oui, c'est sûr qu'au niveau technique, animation, il y a 100 fois plus virtuose partout ailleurs, quoi. Mais en même temps, c'est celui qui nous a tous touchés par son sujet. Et en même temps, le dessin est assez cohérent avec ce qu'il raconte. Et c'est vrai que ce soit Notre Uniforme ou Rosemary, c'est des films quasiment autoproduits, enfin, et qui viennent vraiment des tripes, je pense. Et c'est ça qui nous plaît, je crois. En fait, finalement, quand on regarde, c'est vrai que Le Sexe de ma mère ou AA, c'est très bien construit, c'est très bien filmé, c'est très bien. C'est des fictions en soi. Quelque part, elles n'ont même pas besoin de prix. N'importe qui va aller voir va adorer le truc. Et voilà, Notre Uniforme, Rosemary, c'est déjà un peu plus. Et moi, j'aurais tendance à préférer Rosemary parce que l'écriture est. Et alors, c'est sûr que Notre Uniforme, c'est hyper engagé, c'est tout ce qu'on aime, c'est ça, mais Rosemary, il y a quelque chose d'un peu plus touchant, je trouve, d'un peu plus. Oui, en plus, il se saisit d'un concept, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a aussi eu beaucoup de films qui ont beaucoup travaillé le format, et là, on a eu un format carré, vraiment, qui je trouve a été. Qui du coup rend finalement l'ensemble très pertinent, quoi. On est vraiment dans le film rudimentaire. Ça me faisait penser finalement aux séries animées des années 90, quoi, qu'on regardait sur nos télé 4 tiers. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce aussi de film un peu nostalgique qui passe comme finalement assez bien par la forme. Et vraiment, c'est vrai que c'est un film qui est très, très, très touchant, quoi. Donc, est-ce qu'on s'achemine vers un prix pour Rosemary et oui, je crois. Margarita, qu'est-ce que tu en dis? Bah, moi, je suis d'accord dans le sens que justement, c'est le seul film de la sélection qui m'a touché autant et qui m'a presque fait pleurer. Donc, je pense que c'est quand même un mérite. Et voilà, et comme on disait au début, sans vouloir l'être, en fait, sans vouloir trop forcer l'émotion. Et c'est parce que c'est sincère, en fait. Et c'est ce qui manquait peut-être à d'autres. C'est ça. Non, et puis si on parle d'un court-métrage d'animation, l'animation elle y est, et surtout le court-métrage il suffit en lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir forcément la suite. C'est que dans les 10-12 minutes qu'il nous raconte, je ne sais plus combien de temps il dure d'ailleurs, 9 minutes. 9 minutes où il nous raconte toutes ces hypothèses existentielles, il fait le tour et basta, quoi. C'est... Donc en ce sens-là, en termes d'écriture, c'est maîtrisé. Mais tu as raison, c'est vrai qu'on a beaucoup pensé à l'animation, on a moins pensé au court-métrage. Alors que le film, quand même, en 9 minutes, raconte plusieurs histoires différentes qui sont imbriquées dans une grande histoire. Ouais. Voilà, qui sont imbriquées dans une histoire plus générale. C'est quand même assez fort. Ouais. Eh bien, je crois qu'on peut dire que ce prix de la critique 2023 va donc à Rosemary Eddy d'Ethan Barrett. Et comme ça tombe super bien, je vous le redis, vous pouvez aller regarder le film sur YouTube dès que l'émission est terminée. Ou alors, vous pouvez foncer au PIAF aussi pour assister aux séances de ce soir. On vous rappelle à 19h, fin d'études, et à 21h, compétition expérimentale. Puisqu'il nous reste un petit peu de temps, j'ai envie de revenir avec vous sur quelques films dont vous aviez parlé et on n'était pas sûr d'avoir le temps d'en parler. Donc, on a fait les choses bien. Est-ce que vous auriez envie de dire quelques mots sur Portrait de famille de Léa Vidakovic? J'ai envie de parler de celui-là parce que pour le coup, il est aussi sur Arte, donc nos éditeurs et auditrices peuvent le regarder. Et voilà, c'est un film en volume dans une maison aristocratique. Andras et sa fille Sofia goûtent la quiétude d'un dimanche ensoleillé. L'arrivée impromptue d'une partie de la famille vient perturber le calme de la demeure. Et pour préciser que le film se passe juste avant la Première Guerre mondiale. Oui, alors ça, on ne le sait pas forcément quand on voit le film. Si, on le sait pendant le film, parce qu'à un moment, il y a une de journal qui montre la guerre, quelque chose comme ça. Et si je le mentionne, c'est parce qu'évidemment, c'est assez important dans le récit. Typiquement balkanique, avec cette métaphore politique où la famille représente le pays, la nation, etc. Il y a le même humour qu'on retrouve dans le cinéma, d'ailleurs, des Balkans. Parfois un peu burlesque, parfois un peu absurde. Bon, voilà, ça c'est souvent un peu abscon. Et pourtant, enfin, moi personnellement, j'ai été très séduit par l'entité visuelle et le travail artistique autour du sujet. C'est un peu prévisible, c'est un peu vain, on ne sait pas trop où il veut en venir. Mais honnêtement, l'histoire n'a pas beaucoup d'importance. De voir cet enchaînement de quiproquos, de malentendus, de catastrophes. Très sage, hein, très gentil, mais c'est assez drôle, mais ça aurait pu aller plus loin. C'est vrai que moi, il m'a fait penser au film Le Marquis d'Henri Xoneux, où on suit en fait le personnage de Sade qui parle à son sexe. Et parce que en fait, j'ai retrouvé un petit peu la même manière finalement d'instiller le malaise, mais en l'adoucissant aussi avec des points d'humour. Et c'est vrai que c'est quand même un film assez impressionnant sur le plan visuel. Et puis il y a quand même des propos quand même très très forts. On met en scène quand même un dérèglement, une déflagration, celle de l'histoire avec un grand H, dans l'histoire avec un petit H, dans un contexte historique qui est quand même pas banal du tout. Et j'aurais vraiment aimé, mais je pense que ce qui pour le coup m'a un peu bloqué, c'est un film quand même que j'ai trouvé, il y a quand même une austérité qui est assez excessive. C'est un film quand même extrêmement austère, je trouve, et même jusque dans ces scènes un peu graveleuses, quoi. On a quand même des séquences assez particulièrement gênante, et voilà, mais ça, voilà, il y a vraiment quand même une sécheresse, comme tu le dis, hein, assez balkanique, mais qui moi m'a laissé sur le bas-côté. Margarita. Bah, en fait, l'aspect d'Ophir qui m'a le plus touché finalement, c'est le son, dans le sens l'absence de musique, donc le silence et les sons qui vont interrompre ce silence, qui jouent un rôle assez important dans la narration et aussi dans la création de cette atmosphère un peu inquiétante, un peu austère. Mais je suis d'accord avec vous dans le sens que ça reste un peu trop abstrait, en fait. Je pensais justement à ce qu'on avait dit à propos de le sexe de ma mère, alors que là, les poupées restent des poupées, en fait. On est en train de regarder des très jolies poupées dans des très jolis décors, mais je n'ai pas ressenti plus que ça. Et oui, j'ai ressenti le sens d'inquiétude qu'elle crée, mais en tant que poupée inquiétante, mais pas en tant que personnage avec une profondeur, avec une histoire et avec un côté dérangeant. Donc je c'est pas un film qui m'a particulièrement... On peut souligner par rapport à ce qu'a dit Inès, l'ensemble sur les 36 films qu'on a vus, le sound design, enfin le oui. travail du son en général... est assez impressionnante dans tous les courts-métrages, même ceux qu'on n'a pas aimés. Et c'est vrai que ça nous a marqué réellement tout au long des 36 films. Et les films ne se cachaient pas derrière des musiques extra-diégétiques. Voilà. C'était très rare et misaient beaucoup finalement sur des sons atmosphériques et qui participaient finalement à instaurer des atmosphères assez uniques et qui finalement ont conféré des identités très spécifiques à chaque film. Vraiment, vraiment, le travail sur le son était assez impressionnant et fascinant. Puisque tu parles de films d'atmosphère, moi j'ai très envie de vous entendre sur un film brésilien qui s'appelle Le Cactus de Ricardo Coop. Alors, un homme souffrant d'une grave maladie nerveuse se retrouve paralysé alors qu'il est seul dans le désert. Et il est vraiment paralysé, donc il ne peut pas bouger, il ne peut pas s'en aller et personne ne va venir le sauver. Donc c'est pas très marrant pour lui, mais peu à peu, nous dit le synopsis, il accepte sa situation. Donc c'est clairement un court-métrage d'horreur inspiré d'une nouvelle qui s'appelle « Ser Polvo » de Santiago Dabove. Alors, est-ce que vous avez frémi devant ce film d'horreur ? Alors, on me regarde parce que... Ah, on te regarde. Parce que ça a été un coup de cœur, alors que j'étais pas forcément la meilleure cliente pour un court-métrage d'animation horrifique. C'est un film qui est extrêmement rêche, mais pour le coup, je trouve que c'est extrêmement bien rendu à l'image. Justement, l'image, elle est rugueuse, ça gratte le spectateur, et c'est quand même la mise en scène d'une transmutation. C'est assez fascinant la manière dont il met en scène un corps qui se décompose et qui se recompose pour ensuite fusionner en fait avec des éléments de la nature. Et j'ai trouvé que, on parlait de chemin de croix, c'est un autre chemin de croix finalement. C'est un calvaire qui finalement finit sur une élévation. C'est ça qui est quand même qui me fait dire quand même que c'est pas juste un film qui est là pour nous faire souffrir. Je pense que c'est un film qui parle de ce que c'est que la souffrance, mais je pense aussi la souffrance qu'est celle du processus de création. Peut-être que je vais un peu trop loin, mais je me posais quand même. Mais c'est quand même ce qui m'est resté en tête quand j'ai vu ce film. Et je trouve aussi que c'est un film qui n'oublie quand même pas de faire réagir son spectateur. Et même si je sais que vous n'avez pas forcément aimé, il arrive quand même, je trouve, à remplir son cahier des charges, à savoir nous gratter jusqu'à vraiment gratte le spectateur jusqu'à le rendre quand même extrêmement mal. J'ai senti quand même dans la salle qu'il y avait des gens qui étaient dégoûtés, écœurés. Enfin, on a même entendu quand même justement des réactions de spectateurs qui parfois se cachaient derrière les yeux. Parce que oui, c'est un film par contre que tout le monde ne peut pas, enfin, à ne pas mettre sous tous les yeux. Oui, ça pique les yeux même. C'est comme les cactus, qui sont sortis de... Ouais, et c'est marrant que tu parles de gratter, de etc. Parce que ça me fait penser à Our Pain, un autre film dont on devrait parler. Parce que là aussi, la peau est craquelée. Et les deux films peuvent. La peau est presque dessinée de la même façon. Et là, pour le coup, dans Our Pain, il se gratte vraiment beaucoup le genou. très profondément. Mais moi, j'ai rien à dire sur le cactus. Bon, rien que le titre, on devine comment ça finit. Donc, je ne suis pas du tout le bon spectateur pour ce genre de film. Et ça aurait pu, hein, je veux dire, il y a des films de ce genre qui pouvaient me séduire. Mais là, pour le coup, je suis resté complètement à l'écart et je pense que je l'ai regardé mourir. Voilà, comme le vautour, en attendant que ça finisse et qu'il se transforme. Mais moi, au début, j'étais fascinée justement par son visage et la peau, ce fait que la peau, elle est en train de désintégrer, un peu comme dans... T'as bien fait de citer Our Pain, parce que après, en le regardant, ça m'a fait souvenir. Et mais à la fois oui, enfin, je l'ai trouvé très dérangeant et peut-être un peu trop, peut-être dans ce moment-là j'étais pas dans le mood adapté pour regarder un film de ce type. Mais je reconnais quand même que même seulement le fait d'arriver à faire ressentir ce type d'émotion, c'est quand même un mérite, dans le sens que c'est pas donné, enfin ça laisse pas indifférent, et ça je trouve que c'est quand même un mérite. Mais la fin, tu parlais justement de son élévation, et je trouve qu'il aurait pu s'arrêter un peu plus sur cette fin, alors que le processus de cette mort est tellement long qu'à la fin on est tellement épuisé que voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus de lumière sur le film. Bah, je me demande si, enfin, moi ça m'a donné envie de me renseigner sur justement le processus de création du film lui-même. Je me dis, j'ai l'impression que le réalisateur il a peut-être lui-même souffert en fait en accouchant de ce film. J'en sais rien, mais et c'est vrai que t'as fait un très bon parallèle, Vinci, avec Our Pain, qui alors moi ce qui m'a gêné dans le film, c'est que je le trouvais extrêmement long. Our Pain. Ouais, j'ai 16 minutes. C'est un des films les plus longs, j'ai l'impression, de la sélection. On ne sait même pas comment il va finir, même, en fait. C'est tellement il est long. C'est ça. Et par contre, assez fascinant, parce que je trouve que ça montre quand même qu'il y a quelque chose aussi d'assez culturel. Je parlais de décentrement tout à l'heure. Mais voilà, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très asiatique. Au niveau des... Il y a des parties du corps qu'on retrouve beaucoup. Là, c'est vraiment les genoux. Et là, c'est quelqu'un qui presque se retrouve à l'intérieur de lui-même. Là où dans le calcul, en fait, on est plus dans quelque chose... on est dans l'ordre de l'extériorité. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé assez intéressant dans la communication qu'on peut établir entre les films. Juste que voilà, l'autre, j'ai trouvé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Ce qui fait que, bon, je me suis un peu perdue en cours de route dans ce genou. Voilà. Oui, le film que vous évoquez, c'est Our Pain de Shunzaku Hayashi, et effectivement c'est un film, comme son nom l'indique, sur la douleur expérimentée de manière individuelle, mais qui en même temps relie les êtres. Et effectivement, c'est un film qu'on aurait pu montrer en séance expérimentale, mais on ne le répétera jamais assez, il faut montrer du cinéma expérimental partout, sinon ça fait des ghettos si on les montre que dans des compétitions expérimentales. Alors, est-ce que je vous propose de parler maintenant d'un film plus doux, enfin peut-être acide, je ne sais pas, c'est, le titre nous laisse présager un peu des deux, puisque c'est Sweet Like Lemons de Jenny Jokela. Jokela, je crois qu'on dit Jokela, puisqu'elle est finlandaise, mais elle vit en, Grande-Bretagne, une réflexion visuelle sur la manière de sortir d'une relation amoureuse douloureuse et de reprendre le cours de sa vie. Et en fait, dans le résumé, on nous dit, il y a cette expression qui dit si t'as des citrons, fais de la limonade. Et alors là, dans le film, il n'y a pas de limonade à faire, mais peut-être se rendre compte finalement que les citrons sont plus doux que ce qu'on vivait avant cette situation. Voilà, j'ai trouvé ça assez joli. Alors, est-ce que vous aviez envie de dire quelque chose sur Sweet Like Lemons? Vinci en parle très bien. Non, mais c'est vrai que j'étais assez séduit par le dessin, en fait, là, pour le coup, par l'esthétique. Un peu burlesque, un peu grotesque. Ça lui permet d'aller très loin dans des délires, dans des fantasmes, dans des imageries intérieures. C'est plus qu'un amour douloureux, c'est quand même un amant toxique, c'est une emprise. On sent qu'il y a une vraie souffrance à résister à cet homme et tout en voulant vraiment s'en séparer. Déjà, le sujet en soi est intéressant. J'ai trouvé vraiment ça inspiré de bout en bout, y compris dans son imaginaire. Après, comme pour Boxcutters, dont on parlait, donc, qui est un film sud-africain, ça creuse peut-être pas assez son sujet. Et c'est peut-être un peu le problème que j'ai eu sur Doux comme des citrons, c'est que je vois bien le côté acide du citron, mais le côté qu'est-ce que ça me laisse en bouche me laisse un peu sur ma faim, en fait. Et Boxcutter, c'est exactement la même chose. Donc Boxcutter, c'est un film, j'essaie de retrouver le de Naomi von, je ne sais pas dire, Niskork. Voilà, qui est donc sur une femme qui subit une agression en pleine rue un matin dans les, on suppose, vers Johannesburg. Et il y a des choses très bien écrites, c'est très bien dessiné, il y a des belles ellipses, le contraste noir-blanc est magnifique. Mais là encore, on a un peu envie de dire tout ça pour ça. Il manque un truc qui fait qu'on est dans une intensité et dans le drame. Et c'est souvent le problème, c'est qu'en fait, on a trouvé, je pense, que beaucoup de cinéastes n'allaient pas assez loin. C'est bizarre aujourd'hui à notre époque. Pas assez loin dans le trauma. Certains vont très loin dans le cru, mais certains osent pas aller trop loin dans le trauma, alors que bon, c'est bon, on est en 2024, allez-y, quoi. L'agression en pleine rue, le mec toxique, etc., on peut en parler, on peut les dénoncer, et il faut pas hésiter. Et l'animation, justement, à mon avis, permet d'aller beaucoup plus loin que la prise de vue réelle, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'elle permet d'aller sur des allégories, de l'onirisme, des choses qu'on n'ose pas montrer, quoi. Donc, voir. Et c'est là où je te rejoins sur le cactus, mais pour moi, c'est trop explicite. C'est que justement, il arrive à bien montrer la décomposition et la recomposition, mais pour moi, ça va beaucoup trop loin dans l'explicatif et dans la complaisance pour que ce soit intéressant. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, je crois que il ne reste à vous remercier, Inès, Margarita et Vinci, pour ce très beau débat. Je rappelle donc quand même que votre prix, c'est Rosemary Heidi de Dethan Barrett. Je rappelle une dernière fois que vous pouvez voir le film en ligne. Profitez-en, parce que vous cherchez Rosemary Heidi, Ethan Barrett sur YouTube, et vous tombez dessus facilement. Il y a aussi une interview très intéressante du réalisateur qui explique un peu comment il a travaillé et comment le film raconte vraiment son histoire. Ensuite, on vous rappelle une dernière fois que le PIAF se termine demain soir, qu'il y a encore quelques séances à voir, notamment demain après-midi, une séance jeunesse à 16h, une séance de film de fin d'études à 17h30. Et notre clôture en musique, vraiment ne ratez pas ça, c'est des compétitions, une des séances, je pense, les plus fun qu'on ait de tout le festival. C'est vraiment que des films musicaux, et ça sera notre clôture à 19h30. Et pour vous donner envie, on termine l'émission avec Ma mère de Célestin, dont le clip est en compétition musique et qui est réalisé par Shaitan Conversa. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Et bien sûr, merci à Nicolas en cabine. Bonjour à tous et désolé d'avance. Pour ceux qui veulent passer un bon moment, j'ai bien conscience qu'il y avait une bonne ambiance, mais faut que je vous parle d'un truc important. Vous pouvez toujours danser si ça vous chante, ou chanter, mais je vous cache pas que sans votre aide j'ai aucune chance de me tirer vivant de ce mauvais pas. Celle qui qui m'a créé de toutes pièces, celle qui m'a donné l'étincelle, qui m'a élevé comme ma mère, qui m'a appelé Célestincelle, que je croyais éternelle, sous mes yeux c'est un seul. Et bien sûr c'est un drame, moi je bouge pas d'un cil. Je bouge pas d'un cil. Je bouge pas. Quel est ce mal qui l'emporte, qui l'amène à sa perte? Qu'elle reste ou qu'elle parte, je ne ferai qu'un avec elle. Est-ce la peste ou l'herpès? Est-ce une des 8 millions d'espèces qui infeste son espace et l'escorte à l'hospice? Le pire c'est que je regarde sans rien faire, sans rien dire, souffrir, mourir seule, que je trouvais trop belle. Serais-je un robot programmé à détruire ce qui est trop beau, ou bien juste un gros pauvre? Suis-je responsable de ce mal qui l'accable, ou seulement coupable de laisser faire? Aurais-je l'ADN, le sang de Lucifer? En cherchant l'Éden, j'ai créé l'enfer. J'ai créé l'enfer. J'ai crié. Qui veut m'attaquer en justice? Dans les flammes, on fait pas de procès au diable. Tous les témoins sont complices et la victime reste inaudible. Depuis ma naissance, elle est mon essence, et moi je programme son obsolescence. Je pourrais la sauver juste en disparaissant, l'antidote est mon absence. Que fait ma famille, celle qui tient les ficelles? Si j'étais pas seul, ce serait plus facile. Je sais qu'ils savent et vous savez aussi qu'en s'unissant, lui sauverait la vie. J'appelle mes 7 milliards de sœurs et frères à changer le cours de nos vies délétères. S'unir et tout faire pour tirer d'enfer notre mère, la terre.